Il y en a beaucoup qui espèrent quitter ce monde de par l'enlèvement de l'Église. Je ne crois pas que ça va se passer, moi. Les chrétiens évangéliques, il y en a beaucoup, c'est l'enlèvement de l'Église. Mais moi, je leur donne le bénéfice du doute. Ils ont peut-être raison. Ils ont peut-être raison. À date, là, c'est les prophéties qu'eux autres qui avancent, qui se réalisent. Donc, on verra. On verra. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Le corps de gloire, le corps éthérique, là, puis d'un coup, que bon, il y a moyen que ça vienne transmuter le coffre. Pourquoi pas? L'affaire, c'est que c'est pas l'ego qui va me décider ça, là. Donc, en tout cas. Mais moi, eux autres, je les aime bien plus que les nouvelles hors-jeux, là. Ça se compare même pas. Je les trouve moins hypocrites, je les trouve moins acteurs, je les trouve. Même des fois, ils sont naïfs un petit peu, mais bon, c'est pas.